Neza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La Banque de la République du Burundi devrait revenir sur la mesure interdisant le fonctionnement des associations d'épargne et de crédit qui regroupaient essentiellement des femmes de faibles conditions de vie. Appel lancé par la présidente du Forum des femmes du Burundi ce vendredi à Gitega à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Nous parlerons dans cette édition des difficultés qu'éprouvent les femmes de Gatumba qui tentent de parvenir à leur autonomie socio-économique. Et puis, les communes de la province Rumonge sont appelées à prendre en charge les enseignants vacataires de leur ressort. Un appel du gouverneur de Rumonge au cours d'une rencontre avec les responsables scolaires de cette province ce jeudi. Séraphine Hakizimana assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. La présidente du Forum des femmes du Burundi demande l'annulation de la mesure de la Banque de la République du Burundi d'interdire le fonctionnement des associations d'épargne et de crédit des femmes de faibles conditions de vie. À propos, le chef de l'État répond que la Banque de la République du Burundi élaborera une loi régissant ces associations afin qu'elles fonctionnent conformément à la loi. C'est au moment où ce vendredi à Gitega se déroulaient les cérémonies de célébration de la Journée internationale dédié à la femme, le chef de l'État avait rehaussé de sa présence ces cérémonies, Gérard Nibigira. Dans son allocution, la présidente du Forum des femmes du Burundi, Buchumi Emelance, a demandé avec insistance que la Banque de la République du Burundi, BRB, annule sa décision d'interdire le fonctionnement des associations d'épargne et de crédit des femmes de faibles moyens. Cela parce que la fermeture de ces associations a fait remarquablement reculer les économies de ces femmes. À propos, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a répondu que la loi doit être respectée dans toutes les activités des gens et comme ces associations dont il s'agit ne sont régis par aucune loi jusqu'à présent, il a plutôt promis que la BRB se penchera sur l'élaboration d'une loi qui les régira. Cela étant, la présidente du Forum des femmes du Burundi a déploré la recrudescence des cas de viol faits aux filles et femmes, dont les petites filles. De donc, elle a demandé à la justice, aux forces de sécurité, à l'administration et à tous les Burundais en général de se lever comme un seul homme pour combattre ce phénomène de viol. C'est au moment où ce vendredi à Gitega se déroulaient les cérémonies de célébration de la journée internationale dédiée à la femme sous le thème « Cheminons-nous ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production » et le chef de l'État avait rehaussé de sa présence ces cérémonies. Depuis Gitega, Jehani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Certaines femmes de différents quartiers comme Mushasha 1 de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura disent qu'il leur est difficile d'arriver à une autonomisation socio-économique dans le contexte des inondations menaçant cette localité. Cela est également confirmé par certains hommes qui expliquent que suite à ces conditions de vie, les femmes sont souvent obligées de rester au domicile en vue de protéger leurs biens contre ces inondations. Le chef de la zone Gatumba indique que ces catastrophes ont aggravé la situation des personnes déjà vulnérables, l'urgence étant pour lui de venir en aide à ces populations et plus particulièrement aux femmes. Reportage d'Ornella Mucho. Certaines femmes qui habitent à Gatumba, l'une des zones les plus touchées par les catastrophes naturelles, disent que les conditions de logement qu'elles mènent ne leur permettaient pas de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Certaines qui vivent au quartier Mouchacha de cette zone reconnaissent que les hommes et les femmes sont tous touchés par les risques liés aux inondations, mais que la situation s'aggrave chez les femmes. C'est vrai, on ne peut pas rester sans rien faire, mais on se retrouve bloqué parce que nous sommes souvent obligés de déménager suite à ces inondations. Vous le remarquez vous-même. C'est pratiquement difficile de m'occuper des travaux génératrices de revenus car on n'a nulle part où laisser les enfants parce que c'est partout inondé. Avant ces catastrophes, on cultivait et on récoltait. Aujourd'hui, c'est trop difficile. Une autre qui habite à Kinyinya 2 indique qu'avant, les femmes de cette zone s'organisaient dans des coopératives pour les activités génératrices de revenus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'elles ne vivent plus ensemble. Même les hommes déplorent que la précarité de la vie dans cette zone empêche souvent la femme de vaquer à d'autres occupations, à part s'occuper de la maison pour subvenir aux besoins de la famille. Vous savez que les besoins familiaux concernent à la fois l'homme et la femme. Avant, les deux allaient travailler, mais aujourd'hui, la femme est contrainte de rester à la maison pour protéger les biens familiaux contre ces inondations. Le chef de zone Gatumba, Jean Muyoboke, interpelle ses dirigeants de surmonter ces défis, même si les conditions sont difficiles, afin de s'autodévelopper. Nous leur interpellons de travailler ensemble pour s'impliquer dans les travaux de développement et apprendre à surmonter ces défis. Mais j'interpelle aussi aux âmes charitables de les accompagner et de les soutenir pour trouver un financement. Cela est ainsi au moment où, le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de lutte pour les droits de la femme sous le thème « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production ». Ornella Mucho, plus de 1600 familles des vulnérables de la commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, disent avoir bien accueilli une aide de 15 kilos de semences de haricots par ménage de la part de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le gouverneur de la province de Bujumbura appelle cependant les bénéficiaires à ne pas les utiliser pour d'autres fins, mais à les semer pour produire plus. Les détails avec Évariste Nzikobanya. Ces familles vulnérables de différentes collines de la commune Mutimbuzi disent qu'elles étaient confrontées à un manque criant de semences. En cette saison culturelle B, les bénéficiaires disent avoir bien accueilli cette aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Nous accueillons à bras ouverts cette aide. C'est comme si c'est Dieu qui nous donne ces semences. Nous leur disons merci. L'on pouvait même danser, malheureusement, nous n'en sommes pas capables. Nous avons bien accueilli ces semences, que Dieu bénisse les donateurs. Moi, personnellement, j'avais un lopin de terre. Je vais directement s'aimer dans l'attente d'avoir une bonne production. Accueille à bras ouverts cette aide, mais appelle la population bénéficiaire à ne pas vendre ses semences. Nous lancerons les appels à la population de ne pas les vendre et qu'une fois passé outre, l'administration est prête à punir à quiconque aurait acheté ou vendre ses produits déjà disponibles. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage promet que son bureau à travers les moniteurs agricoles va faire un suivi régulier. Daniel Mazarahisha trouve que le projet de la FAO c'est une valeur ajoutée sur la production agricole. Oui, nous allons travailler en synergie avec l'administration et les agents de sécurité pour que la sensibilisation continue afin que les bénéficiaires ne puissent pas vendre ces intrants agricoles qui viennent de bénéficier. Nous saluons positivement ce projet parce qu'il va contribuer à l'augmentation de la production, parce que ces mêmes bénéficiaires n'étaient pas capables d'adhérer au programme national de subvention des engrais. Donc c'est une valeur ajoutée au niveau de la province. Le représentant de la FAO au Burundi, Pisay Changai Dademanao, explique comment et pourquoi l'idée de ce projet est née. Le financement qui nous permet d'intervenir au niveau du pays fait suite à une sollicitation du gouvernement du Burundi, aux partenaires de l'accompagner pour faire suite aux impacts de la crise ukrainienne, mais également pour faire suite aux effets néfastes du changement climatique. Vous vous rendrez compte qu'à une période de l'année 2023, nous avons connu un stress hydrique et par endroits, nous avons aussi connu des inondations. Donc, sur appel du gouvernement du Burundi, la Banque mondiale a répondu favorablement et à travers le projet Meraka Bandi, nous permet aujourd'hui d'intervenir au niveau des vulnérables, des ménages qui ont été le plus affectés. Les agriculteurs vulnérables bénéficiaires de ce projet de la FAO sont originaires des communes de la province de Bujumbura, excepté ceux de Mukike et Mugongomanga. Ceux de Mutimbuzi, chiffrés à 1678, ont reçu 2517 kilos de semences de haricots ce jeudi, à raison de 15 kilos par ménage dans les 7 sur 9 communes ciblées la FAO a prévu la distribution de 143 460 kg de semences de haricots et 598 tonnes de fertilisants en faveur de 9 564 ménages. Évariste Nzikobanyang a toujours sur la page de la Journée mondiale des droits de la femme. Certaines femmes rurales en province Kayanza disent qu'elles ont un rôle dans le développement du pays en général et de leur ménage en particulier. Notre correspondant Patrick Nsengium va rencontrer certaines femmes qui témoignent que cela est possible avec le soutien de leur mari. Reportage. Ces femmes rurales qui indiquent que la femme d'aujourd'hui diffère de celle d'antan qui dépendait de tout de son mari, nous les avons trouvées en commune Kayanza, la colline Kinga, en train de labourer des champs dans une propriété foncière du prince Baranyanga. Elles apprécient positivement la considération que leur fait leur mari à la maison, surtout en les associant dans la prise de décision sur les projets de développement à réaliser dans leur ménage. Minani Belize, une de ces femmes, là où dans les mains porta son bébé sur le dos, appelle les couples mariés à se respecter les uns des autres et appelle les femmes à se regrouper ensemble dans des associations et coopératives de développement. Les hommes que nous avons croisés près des champs dans lesquels travaillaient ces femmes n'ont pas mâché les mots en affirmant que le rôle de la femme dans le développement de son ménage en particulier et de son pays en général est très important. Ils demandent à tous les hommes d'appuyer les femmes pour les soutenir dans leur développement. Signalons que le 8 mars de chaque année, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la journée mondiale dédiée à la femme. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isangani. Merci Patrick Nsengiyumva. Au moins 5 femmes ou filles sont tuées chaque heure dans le monde par un membre de leur propre famille et une femme sur 3 subit des violences basées sur le genre. Une déclaration de l'ONU SIDA à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. La directrice exécutive de l'ONU SIDA trouve que l'humanité affiche un retard considérable pour atteindre les ambitions, notamment en matière de genre, d'égalité telle que définie dans les objectifs de développement durable. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons éducation à présent. Seules 3 écoles fondamentales sur 18 ont atteint une moyenne de 50% dans la commune scolaire de Wuhiga au cours du test communal organisé fin février. Résultat annoncé ce jeudi à Wuhiga au cours d'une réunion d'évaluation à l'intention des responsables de la direction communale de l'éducation, des directeurs et des enseignants et des représentants des élèves. Certains enseignants et directeurs trouvent l'origine de certains manquements dans l'organisation de beaucoup de réunions, ce qui impacte négativement sur la qualité de l'enseignement. Et les communes sont appelées à prendre en charge les enseignants vacataires de leur ressort. Cela est un appel de Léonard Niyonsaba, gouverneur de Lumonge, lors de sa rencontre ce jeudi avec les responsables scolaires de cette province. Mais il faut que les directeurs d'école fournissent de vrais rapports à cette fin, a exigé le directeur provincial de l'éducation de Lumonge, Jean-Pierre Misago. Sur 345 écoles fondamentales et 53 écoles post-fondamentales que compte la province scolaire de Lumonge, auxquelles s'ajoutent les écoles techniques, les centres de formation professionnelle et centres d'enseignement des métiers, 4520 enseignants sont disponibles. Avoir cet effectif, on est tenté de croire que c'est amplement suffisant comme enseignant, mais cette province scolaire a accuse un manque criant d'enseignants, à telle enseigne qu'on recourt aux enseignants vacataires dans pas mal d'écoles et qui en constituent une lourde charge, selon Isaac Kendikurio, directeur provincial de l'éducation de Lumonge. Il demande pour cela au gouverneur de Lumonge, lors de sa rencontre avec les responsables scolaires de Lumonge ce jeudi, de s'y investir afin que toutes les communes contribuent dans la prise en en charge de ces enseignants vacataires, comme c'est déjà le cas dans les communes de Mouhouta et Bougarama. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, réagissant à propos, demande aux directeurs communaux de l'éducation de dresser une liste des besoins, y compris les frais pour les enseignants vacataires, et les soumettre aux conseils communaux respectifs et participer dans les réunions du conseil communal de son ressort pour s'assurer si leurs préoccupations ont fait objet de délibération. Mais il faut que les besoins exprimés soient réels et à Isaac Ndikurio de rappeler qu'un enseignant vacataire qui ne totalise pas 18 heures par semaine n'en est pas un. Il doit pour cela les compléter dans une école des environs. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Parlons encore une fois de la Journée internationale des droits de la femme. L'ONG DKT interne Burundi-Evran dans le domaine de la santé et de la reproduction trouve que les Burundais devraient éviter les rumeurs et adopter les méthodes contraceptives pour que la femme burundaise n'ait pas de naissance rapprochée afin qu'elle puisse se développer. Propos tenus par Gilbert Kalumuna, manager de cette ONG et de cette organisation, pardon, c'était au cours d'une séance de sensibilisation organisée par cette organisation à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ces femmes saluent cette initiative et indiquent qu'elles vont partager ces informations avec leur entourage. Le point avec Sheila Irambona. C'est une ambiance festive qui a débuté la séance de sensibilisation organisée par l'ONG DTICA International. En cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette ONG a profité de cette occasion pour venir parler des méthodes contraceptives utilisées pour le planning familial. Son manager indique qu'au cours de cette sensibilisation, ils ont bien souligné qu'une famille qui planifie bien le nombre d'enfants qu'elle veut avoir aide la femme à bien se développer. Vous montrer également les dangers qu'il y a quand on a beaucoup d'enfants et qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Nous avons passé en revue les problèmes de l'autonomisation de la femme. Lorsqu'une famille est équilibrée et a le nombre d'enfants voulus, la famille, l'homme et la femme tous de travail et concourent aux charges de la famille et la stabilité financière s'observe au niveau de la famille parce qu'il y a l'apport de l'homme, il y a également l'apport de la femme. Au cours de cette sensibilisation, des échanges ont eu lieu et les femmes ont évoqué les rumeurs qui les dissuadent à adopter ces méthodes. Monsieur Kalumuna appelle les Burundais à s'en détacher pour pouvoir se développer. On diabolise les méthodes de contraception où les gens disent n'importe quoi sur ce qui concerne les nouvelles méthodes de contraception. Et je reconnais que les normes, les lois de la République du Burundi garantissent un grand droit à la femme. Je sais que les autorités de notre pays, le Burundi, essayent par tous les moyens à pousser à ce que les femmes accèdent aux méthodes contraceptives. Alors, tout ça, mis ensemble, constitue un gain qu'il faut capitaliser. Les participantes de leur côté saluent ces initiatives de sensibilisation. Une d'elles témoigne qu'elle va partager les informations reçues avec son entourage. J'ai compris beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant. On nous a dit de partager ces informations, que ce soit à l'église ou ailleurs, pour que ces dernières puissent planifier avec leurs conjoints le nombre de leurs enfants afin que la maman puisse se reposer. Signalant qu'outre la sensibilisation, cette ONG met à disposition à tous ceux qui le veulent des méthodes contraceptives. Ils viennent de passer plus de 10 ans à effectuer le même travail dans le pays voisin, en République démocratique du Congo. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les femmes ont un grand rôle à jouer en matière de protection de l'environnement, notamment dans la gestion des sols. Propos de certaines femmes de la colline Kizunga en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura, soutenues par le Centre international pour le développement des engrais, IFDC. Ces femmes expliquent qu'elles interviennent en grande partie dans la gestion responsable des sols, notamment qu'elles exercent majoritairement les activités champagne champêtre. Marcel Nibasumba, directeur pays de cette organisation, indique que la production a augmenté après l'intégration de la femme dans la gestion des sols. Jean de Dieu, il a causé. Les femmes sont les plus touchées par les activités champêtres, comme l'indique Kantunga Nediane, une des femmes bénéficiaires des projets du Centre international pour le développement des engrais IFDC sur la colline Kizunga de la commune Nyabiraba. C'est la femme qui laboure les champs. C'est elle qui constate d'abord les besoins du sol, notamment les courbes de niveau, les herbes et arbres fixatrices. Cette participation dans la gestion responsable intégrée des sols crée de l'estime de soi chez les femmes, comme le témoigne Nahabandi Espérance de cette colline. Le mari prend les mesures et me montre où tracer les courbes de niveau. Ensemble, on plante des herbes. Cela renforce ma confiance et me montre que j'ai de la valeur dans le foyer. Les hommes reconnaissent ce rôle joué par les femmes. Désirée Wigirimana ajoute que les femmes sont les plus nombreuses à intervenir sur ce volet. Les femmes sont plus nombreuses dans le ménage. Ce sont elles qui labourent les champs et nous constatons qu'elles sont en outre les plus nombreuses à participer dans les travaux liés à la gestion des sols. De plus, compte tenu des formations qu'elles ont bénéficiées, nous constatons qu'elles ont un grand rôle à jouer dans la gestion responsable des sols. Ce sont elles qui suivent de près ce volet. Marcel Nibasumba, directeur pays du Centre international pour le développement des engrais IFDC, indique que la production a augmenté après l'intégration de la femme dans ce volet. Grâce à leur production de plus de 400 tonnes de semences certifiées et vendues, la production agricole pour les ménages avoisinantes a pu doubler, voire même tripler pour certains. Et le deuxième projet qui concerne la gestion responsable intégrée des sols, en 2023, les ménages ont élaboré, entre l'homme et la femme, des plans d'aménagement et de gestion de leur exploitation agricole, notamment afin de gérer et protéger durablement leur capital sol. D'après ce directeur pays, 26 femmes soutenues par cette organisation ont pu produire et vendre plus de 400 tonnes de semences sélectionnées au cours de l'année 2023 et 70 000 ménages ont mis en œuvre des projets de gestion responsable intégrée des sols durant cette période. Jean de Dieu, il a causé. C'est par ici que s'achève cette édition. Séraphine Hakizimana a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis.